La liturgie commence par une certaine manière de nous souhaiter une bonne année, ce que je vous souhaite, je nous souhaite, avec cette splendide bénédiction d'Aaron que nous entendons qu'une fois par année, donc en cette solennité de la Mère de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, et t'apporte la paix. Alors ce mot bénédiction, on est assez familier avec lui, ça fait partie de notre religion, mais on peut peut-être regarder ça comme un rite secondaire ou une espèce de vœu pieux que l'on se fait ou de souhait. Mais la bénédiction, c'est une réalité très riche et d'une certaine manière, on pourrait presque tout résumer dans notre religion dans ce mot. La bénédiction, c'est le don que Dieu fait, c'est le cadeau. La vie est la première bénédiction. Dieu nous a bénis en créant le ciel et la terre. D'ailleurs, le mot « bénir » vient du latin « benedicere », c'est « dire du bien ». Mais Dieu, il n'est pas comme nous, quand il dit du bien, il le fait. Nous, ce n'est pas toujours le cas. Mais Dieu dit que la lumière soit et la bénédiction de la lumière est venu. Et saint Paul nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. C'est-à-dire qu'à la plénitude des temps, il nous a fait cette bénédiction qu'on pourrait aussi, dont on pourrait avoir le synonyme dans le mot cadeau. Il nous a fait le cadeau de son Fils bien-aimé. De là vient la tradition des cadeaux dans le temps de Noël, parce que les chrétiens ont conscience que ayant reçu cette bénédiction que Dieu lui-même s'est fait l'un de nous, nous devions nous bénir les uns les autres. Et d'ailleurs, quand on s'offre un cadeau à Noël, bien on l'emballe dans un joli emballage avec un ruban peut-être, et un petit chou, et une carte. Eh bien, Dieu a fait la même chose pour nous. Il a mis sous le sapin un joli cadeau, mais quel est cet emballage ? Dans quoi il l'a emballé? Parce que si Dieu était venu directement comme ça, le cadeau aurait été trop grand, il ne passerait pas par la porte, il ne rentrerait pas dans la maison. Donc il l'a emballé dans un joli petit garçon. C'est-à-dire que, ce n'est pas des blagues, c'est vraiment de la théologie, Dieu s'est caché, comme on cache notre cadeau dans un joli emballage, dans ce joli petit enfant, pour qu'on ait le goût d'ouvrir notre cadeau. Sauf qu'évidemment, on ne va pas déballer Jésus, on ne va pas le couper en morceaux. Mais c'est par la foi que nous allons pouvoir découvrir la divinité qui est cachée dans ce joli petit cadeau de l'humanité de Jésus que la Vierge nous a donné. Cette bénédiction que Dieu nous a faite en plénitude en nous donnant ce Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a fait le cadeau de son Fils, afin que tout homme qui croit en lui, c'est-à-dire déballe le cadeau, bien reçoive en cadeau la vie éternelle. Donc, toute la religion, d'une certaine manière, est une bénédiction et sous le signe de ce cadeau. Et encore une fois, c'est pourquoi nous nous faisons des cadeaux les uns les autres, ceux qui sont jolis et emballés, mais nous pouvons nous aussi bénir, dire du bien. Car notre parole, frères et sœurs, puisque nous sommes image et ressemblance de Dieu, a aussi une efficacité. Il y a un verbe en nous. Nous sommes esprit, nous avons une intelligence, une volonté, et il y a une efficacité dans notre parole, une efficacité spirituelle. Souvent, quand je quitte ma mère le soir, qui a 93 ans, qui est ratatinée dans son siège roulant, bien, je lui fais une petite bénédiction sur le front, puis ensuite je me mets à genoux, je dis « Maman, bénis-moi s'il te plaît ». Et elle me bénit. Et je crois vraiment dans cette bénédiction, que le Seigneur va me faire du bien si on l'accueille avec foi. Et c'est important de se rendre compte que ce temps de Noël, nous nous voulons du bien les uns aux autres, nous faisons plus que nous donner des souhaits. Les souhaits, c'est des souhaits, c'est, je veux dire, c'est comme je te souhaite de gagner à la loterie, mais si tu ne gagnes pas, ben tant pis. Mais nous, les chrétiens, ce ne sont pas des souhaits que nous nous donnons les uns aux autres, mais une bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage, comme c'est magnifique de découvrir le visage de Dieu durant cette année et de recevoir la grâce, toujours des plus grands cadeaux, qu'il tourne vers toi son visage et t'apporte le don par excellence de notre vie, qui est la paix. Donc, et il y a aussi cette tradition au Québec qui existe, j'espère, toujours dans certaines familles, de la bénédiction du Père au jour de l'an, hein, où le Père peut vraiment mettre la main ou les mains sur la tête de ses enfants et les bénir, parce que le Père représente Dieu le Père, qui est l'auteur de la vie. Symboliquement, c'est le Père qui représente cela dans la famille. Donc, il bénit lui qui est l'auteur de la vie avec l'épouse, il bénit sa famille et leur transmet la bénédiction de Dieu lui-même. Il y a un certain ministère de la part des parents qui peut se réaliser, ce n'est pas seulement les prêtres qui bénissent ou les évêques. Alors aujourd'hui, nous fêtons cette bénédiction de la Mère de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Vierge Marie Mère de Dieu? C'est aussi un terme auquel on est habitué comme bénédiction, mais auquel peut-être on ne s'attarde pas, puisqu'on le dit dans le « Je vous salue Marie », « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs ». Cette expression a été au cœur d'un conflit terrible au 5e siècle, donc au début du christianisme, parce qu'il y a un prêtre qui se croyait très intelligent, qui a fait une remarque assez juste, il a dit « Mais Marie ne peut pas être Mère de Dieu, franchement. Elle n'est pas née avant les siècles, ce n'est pas elle qui a donné naissance au Dieu éternel et tout-puissant ». Mais il ne s'agissait pas de cela. Alors lui, il disait, on devrait l'appeler Mère du Christ parce qu'elle est mère seulement de la partie humaine de Jésus, ce qui est juste. Mais il y avait un petit problème avec ce raisonnement. C'est qu'en faisant ça, on coupe le petit Jésus en deux morceaux. C'est que Jésus, ce n'est pas un compartiment humain puis un compartiment divin qui ont été attachés ensemble avec je ne sais pas quel système. Il y a une seule personne du Verbe incarné. Une seule personne qui est éternellement Dieu, qui est resté et qui restera toujours identique à ce qu'elle est comme fils de Dieu et qui a pris une vraie nature humaine comme la nôtre, avec une intelligence, une volonté, une sensibilité, même une capacité de mourir, ce qu'il va subir. Mais ça, ça ne s'est pas fait, encore une fois, comme deux compartiments qui seraient étanches l'un à l'autre, ce qui créerait deux êtres, en fait. L'Église a tenu à ce titre de Mère de Dieu. En fait, c'est un titre christologique, c'est-à-dire qui nous enseigne quelque chose sur la vraie nature du Christ ou la vraie personne du Christ qui est unique, mais avec deux natures. C'est un peu comme un iceberg. Quand vous voyez l'iceberg, vous savez qu'il y a une partie visible, une partie invisible. Il n'y a pas deux icebergs. Eh bien, le mystère du Christ, c'est la même chose. Il y a la partie visible qui est son humanité, sa partie divine qui est cachée, beaucoup plus importante, mais c'est un seul morceau. Donc Marie n'a pas accouché de la partie visible de l'iceberg. C'est pas très joli comme allégorie, mais... Donc vous me suivez, il y a un seul Jésus, fils de Dieu, vraiment homme, et c'est cette unique personne du Verbe incarné à laquelle Marie a donné naissance. Donc elle est vraiment Mère de Dieu et ce titre, encore une fois, garde cette unité de la personne de Jésus pour bien montrer combien Dieu nous a aimés, quel cadeau il nous a fait en gardant sa divinité et en nous épousant notre humanité pour que notre humanité puisse hériter de la vie divine. Dieu a épousé notre nature afin que nous devenions héritiers de la sienne. Et il l'a épousé d'une manière très profonde, très intime, du fait qu'on ne peut pas les séparer les deux. Et Marie a été le réceptacle, le lieu où a germé ce mystère. Et elle l'a vécu d'une manière spirituelle et aimante comme une vraie mère. Marie n'a pas été une mère porteuse, vous savez, comme on l'aurait un bébé in vitro, là ça aurait été un bébé in spirito et on l'aurait fait porter à Marie pendant 9 mois. Marie n'a pas été instrumentalisée par Dieu, mais elle a vraiment participé avec sa foi et son amour à ce mystère des épousailles de Dieu avec l'humanité pour que dans cette humanité, nous ayons part à la divinité. Et c'est important pour nous parce que en étant mère de Dieu, mère de la tête du corps mystique, elle est mère aussi de cette opération qui doit se réaliser, frères et sœurs, pour chacun de nous. C'est-à-dire que par le baptême, nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est l'Église qui nous a enfantés à ses épousailles. Et Marie nous porte dans ce mystère tout au long de notre vie pour que se réalise ce mariage parfait qui va aboutir en nous, qui va fructifier dans la vie éternelle. Donc elle est mère du premier-né, mais elle est mère de la tête, elle est mère aussi de tous les membres du corps. Alors qu'elle prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.